Donc, je m'appelle Géraldine Carlier. Le choix de la structure n'est pas encore défini. Le projet s'appelle « Pour que s'entraider devienne facile » sur Marseille 15-16 La Gavotte. Et mon nouveau métier pour 2 ans, ça s'appelle « Coordinatrice de lien social ». Ça s'inscrit dans la transition citoyenne parce que c'est du volonté d'être local, respect de l'homme, de la nature et de l'environnement. Qu'est-ce qu'on peut apporter au mouvement localement ? Bah, du lien entre le quartier nord, les quartiers centraux, les quartiers sud et la terre entière. Et quels sont mes besoins pour ce moment ? C'est d'aller au stage de Béa Balex. Et ce matin, en ouvrant ma boîte mail, il y avait un stage qui me correspondait parfaitement, donc je me suis inscrite.